إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى l'explication du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. On commence avec un verset de Sourate Al-Hajj, Sourate Al-Hajj, le pèlerinage, et qui est le verset 40 et 41. يقول الشيخ قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Verset 40 et 41 min surat le pèlerinage. Allah soutient certes ceux qui soutiennent, entre parenthèses, sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Wala yansuran Allahu man yansuruh. Ici ta'kid. Allah Azza wa Jalla, il insiste en employant le lam au début et en employant un nun ta'kid pour dire qu'Allah Azza wa Jalla certes, sans aucun doute. Et cela est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa'd min Allah azza wa jal, que celui qui le soutient, Allah les soutiendra. Et qu'est-ce que veut dire soutenir Allah? Man yansuruhu ou na man yansuruhu. On va voir que le shir hafidhahullah, il nous rapporte d'autres versets qui vont dans ce sens. Donc il faut comprendre ma'na al-nasr. Le terme nasr au niveau de la langue arabe, ça veut dire la victoire. Ça veut dire la victoire, donner la victoire. Et comment on donne la victoire à Allah Azzawajal? Qu'est-ce qu'on comprend par ce verset? Man yansuru, celui ou ceux qui les soutiennent. Celui ou ceux qui les soutiennent. Ou qui leur rendent la victoire. Dans un autre verset, Allah Azzawajal, il dit, comme nous rapporte le shir, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Ça c'est fait surat Muhammad et c'est le verset 7. In tansurullah, donc on voit encore que le même terme est repris, le même verbe nasara, in tansurullah. Oh vous qui croyez, si vous faites triompher, donc on voit ici ils reprennent le terme triompher au niveau de la traduction, triompher, faire triompher, donner la victoire. Donc tous ces sens sont compris dans ce verbe. Si vous faites triompher, entre parenthèses, la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Un autre verset encore que le shir nous donne. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Ça c'est surat An-Nur et c'est le verset 55. Dans le verset d'avant, donc Allah Azza wa Jalla a repris le terme Nasara. Il nous dit le shir fi hadhihi al-ayatil karima wa'adu Allah Azza wa Jalla annahu nasirun man yansuru wa mumakkinun lahu fil ard. Le shir nous dit que dans ce verset Allah Azza wa Jalla promet à celui qui le secourt, qui le triomphe, qui le fait triompher et qui le soutient, annahu nasir, que lui Allah à son tour le fera triompher. وممكن له. Il lui donnera la suprématie, la force sur cette terre. Fil ard. Et ici vient l'explication du terme Nasrullah. Comment en fait on soutient ou comment on fait triompher Allah Azzajal. Qu'est-ce que veut dire cela, bien entendu. Donc là, al-ma'na, c'est ce que nous dit le shir, yakunu bi-iqamati shar'i. C'est cela. C'est-à-dire appliquer sa législation. Si tu appliques la législation d'Allah Azzajal, faqad dakhalt fi hadhihi al-aya man yansuruhu. Et dans l'autre verset, in tansurullah. C'est ça le ma'na. Iqamatu shar'illah. C'est-à-dire appliquer la loi d'Allah. Celui qui applique la loi d'Allah Azza wa Jal, il a donc fait ce qu'on appelle al-nasr, nasrullah. C'est-à-dire qu'il a fait triompher, et qu'il a soutenu, et qu'il a donné la victoire. Donc tous ces termes rentrent dans cette explication. Donc dans le droit du serviteur, c'est l'application de quoi ? C'est l'application de la sharia, l'application de la loi musulmane, à tous les niveaux de la vie. Et dans le droit d'Allah Azzawajal, c'est le triomphe qu'Allah Azzawajal va donner aux ennemis, ou contre, bien entendu, contre les ennemis. C'est-à-dire le triomphe qu'il va donner à ceux qui auront accompli et qui auront appliqué sa loi contre les ennemis, contre leurs ennemis. Il les fera triompher, il leur donnera puissance et force sur cette terre. Donc la condition ici, kama yaqul al-shir, bi iqamati shar'ihi wal 'amali bima ja'a fil kitabi was sunnati al-mutahhara. C'est-à-dire également exécuter, appliquer tout ce qui est venu dans le livre et la sunna. Donc c'est tout simplement appliquer la religion d'Allah. De manière générale, c'est appliquer la religion d'Allah azza wa jalla, appliquer sa loi et appliquer tout ce qui est venu dans le Coran et dans la sunna, c'est appliquer l'islam comme il se doit. Et c'est cela en fait marna mani an suru dans le verset qu'on étudie, et dans le deuxième verset du sourate Muhammad qui nous a donné le shir, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ensuite l'autre verset qu'on a lu et qui fait sourate Nour, et qui est le verset 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihat. Donc ça encore, Allah Azza wa Jalla nous dit sa promesse. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. La promesse faite à qui ? À ceux qui ont cru. آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et ceux qui ont fait de bonnes œuvres. C'est quoi cette وَعَد ? C'est quoi cette promesse ? Il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et il leur donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et ensuite, encore une chose, il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Donc il leur donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Trois choses qu'Allah Azza wa Jalla nous promet pour ceux qui ont cru et ceux qui ont fait les bonnes actions. Et la suite du verset est la suivante. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ya'budunani, c'est-à-dire qu'ils m'adorent. La yushrikuna bi shay'an, ils ne m'associent rien du tout, absolument rien. La yushrikuna bi shay'an mutlaq. Donc ça rentre dans la condition fondamentale. C'est donc appliquer et concrétiser le tawhid d'Allah Azzawajal. La personne qui veut la promesse d'Allah Azzawajal, il faut qu'il commence donc par quoi ? Par le tawhid. Ça c'est évident. Qu'il commence à appliquer le tawhid en lui-même. Qu'il ordonne l'application du tawhid autour de ceux qui l'entourent, etc. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est l'étape fondamentale au niveau de la religion, et c'est par laquelle a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était bien sûr à la Mecque, et lorsque durant 13 ans il a appelé au tawhid. Durant 13 ans il a appelé au tawhid, et les gens l'ont suivi et ont concrétisé le tawhid. Et ensuite vous savez ce qu'Allah Azza wa Jal a donné comme pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une promesse, qu'elle soit faite au prophète, qu'elle soit faite aux sahaba, aux compagnons, ou qu'elle soit faite à tous ceux qui vont appliquer la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il nous dit, fais Allah, au fil ayat thania, bayan sifat al mustahiqin li nasrillahi azza wa jal. Li kaunihim nasaru wa hiya. Donc, dans le deuxième verset que le cheikh a cité, et qui est le verset en fait 41, une surat al-Hajj, et qui est le suivant, Allavina immakannahum fil ard, aqamu salah, wa ataw zakah, wa amaru bil ma'ruf, wa nahu anil munkar. Donc Allah Azzawajal ici nous cite trois choses. C'est-à-dire qu'il va citer les caractéristiques de ceux qui méritent et de ceux qui ont droit à la victoire d'Allah Azzawajal. Dans un premier temps, iqamatu salah. Donc c'est l'application et l'exécution de la prière. Accomplir la prière, as-salah. Accomplir la prière comme il se doit, bien entendu. C'est-à-dire avec ikhlas et en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ita'u zakah. Et donner l'impôt, l'impôt rituel, la zakat, s'acquitter de l'impôt. Et ensuite, la troisième chose, al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. C'est-à-dire, ordonner le bien et interdire le blâmable. Ça, c'est trois choses que la personne doit appliquer. Et quand on dit la personne, c'est à tout niveau de la société. Ça concerne bien sûr la société musulmane, à tous les niveaux, que ce soit le gouvernement, que ce soit ceux qui sont gouvernés. Chaque personne qui a une autorité, il est concerné par ce verset, il est concerné par cela pour que Allah Azzawajal lui permette d'avoir la victoire. Ça c'est une condition, c'est les conditions de ceux qui veulent prétendre à la victoire d'Allah Azzawajal. Et si cela n'est pas accompli, alors comme on va le voir, la parabole que va nous faire Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, Yaqul fi Adwa' Al-Bayan, c'est-à-dire donc que le shir rapporte la parole de son shir dans le fameux tafsir Adwa' Al-Bayan de Cheikh Mohammed Al-Amin rahimahullah, après qu'il ait apporté plusieurs versets qui concernent donc Nasrullah. Yaqul wa fi qawli ta'ala alladhina immakannahum fil ard al-aya دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. C'est-à-dire, c'est une preuve qu'on ne peut ou qu'il n'y a pas de promesse de la part d'Allah Azza wa Jal, et qui est la promesse qui concerne donc la victoire, si la personne, ou si bien sûr, lorsqu'on dit personne, c'est bien de manière générale, comme on l'a cité auparavant, si la prière n'est pas accomplie, si la zakat n'est pas donnée, et s'il n'y a pas Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, c'est-à-dire ordonner le bien et interdire le mal. Ensuite, il dit le shir. فَالَّذِينَ يُمَكِّنُ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Celui donc Allah Azza wa Jalla lui donne suprématie, lui donne force dans cette terre. وَيَجْعَلُ الْكَلِمَةَ فِيهَا وَالسُّلْطَانَ لَهُمْ, et qui leur donne donc la parole, c'est-à-dire donc qui va leur donner l'autorité. وَالسُّلْطَانَ كَذَلِكَ, c'est-à-dire l'autorité qui va leur donner le pouvoir. ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصر. C'est-à-dire donc que ceux qu'Allah Azza wa Jal leur a donné sur cette terre pouvoir, qu'il leur a donné donc la suprématie, c'est-à-dire pouvoir sur les autres, et avec cela, avec ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné comme pouvoir, ils ne accomplissent pas la prière, ils ne donnent pas la zakat, ils ne font pas al-amr bil ma'ruf, ordonner le bien et interdire le mal, ils n'ont pas en fait la promesse d'Allah Azzawajal de par la victoire. Donc Allah Azzawajal ne leur promet rien à ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qui impliquait sa victoire et son triomphe. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de son parti, du parti d'Allah. Et qu'ils ne font pas partie des awliya, de ceux qui sont rapprochés d'Allah, de ceux qui sont aimés. Et donc, c'est ceux qui sont concernés ici par un nasr, par la victoire. Bel, bien au contraire, nous dit le shir, bel, hum hizbu shaytan wa awliya'u. Bel, au contraire, ceux-là sont le parti du diable et ses rapprochés. Falaw talabu an-nasr min Allah. S'ils avaient demandé la victoire à Allah, c'est-à-dire en se référant par rapport à cette promesse qu'il leur a fait dans le livre. Et donc là, le cheikh nous fait une parabole. فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْأَجِيرِ الَّذِي يَمْتَنِعُ مِنْ عَمَلِي مَا أُجِرُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَطْلُبُ الْأُجْرَةَ وَمَنْ هَذَا شَأْنُهُ فَلَا عَقْلَ لَهُ. Il nous dit le shir, la personne donc qui n'accomplit pas ce qu'on a cité et qui demande et qui espère la victoire d'Allah Azzawajal et qui demande ce qu'Allah Azzawajal lui a promis, c'est comme la personne qui demande le salaire qui lui est dû par rapport à un travail qu'il aurait dû faire, et ce travail-là il ne l'a pas fait. Donc c'est demander en compensation d'un travail qu'il n'a même pas fait al-ujra, c'est-à-dire un salaire. Et celui qui fait cela, celui qui pense comme cela, fala aqla lahu, c'est-à-dire il n'a pas de raison, cette personne-là n'a pas de raison. Et c'est donc exactement ce qui se passe avec Allah Azzawajal. Les gens n'appliquent pas la religion, sont éloignés le plus de la religion, ils n'appliquent pas le tawhid, n'accomplissent pas la prière, ils ne donnent pas la zakat, et ils n'interdisent pas le mal, et avant cela ils n'ordonnent pas le bien, et en plus de cela ils croient ou ils espèrent qu'Allah Azzawajal va les faire triompher sur leur ennemi. Donc ce cas là, ces gens là qui pensent cela ou qui croient cela et qui espèrent en Allah Azzawajal cela sont comme l'exemple que nous a donné le shir rahimahullah. Wallah al-musta'an. Également le shir, il nous donne une autre parole qui est profitable par rapport à ce verset. Yaqul wa hadhihi al-ayatu tadullu ala sihhati khilafati al-khulafa' ar-rashidin. C'est-à-dire que ce verset nous prouve donc l'authenticité du calife et bien sûr de ceux qui ont été bien guidés parmi les quatre califes, bien entendu, al-khulafa' ar-rashidin. Li'anna Allah nasarahum 'ala a'da'i. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jall leur a donné victoire contre leur ennemi. Li'annahum nasaruhu fa'aqamu as-salah. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné, ils ont fait triompher, donc entre parenthèses, la religion d'Allah Azza wa Jall. Bien sûr, lorsqu'on dit triompher, faire triompher Allah, c'est entre parenthèses faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jall, comme on l'a vu, parce que le chien nous a expliqué, iqamatu shar'i, de façon générale, accomplir donc la religion d'Allah Azza wa Jall et sa législation. Li'annahum nasaruhu fa'aqamu as-salah. Donc ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour pouvoir espérer la victoire d'Allah Azzawajal. Et bien entendu, les sahaba, Allah Azzawajal leur a donné la suprématie, leur a donné le pouvoir sur la terre. Donc le verset qu'on a cité précédemment. والحق أن الآية المذكورة تشمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من قاب بنصرة الدين الله على وجه الأكمل على الوجه الأكمل. C'est-à-dire que ce verset, comme on l'a dit auparavant, comprend les compagnons. Donc les compagnons, c'est ceux qui ont fait triompher la religion d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla leur a donné triomphe, comme cela a été de toute évidence lorsqu'on revoit l'histoire des Khulafa ar-Rashidin, des califes bien guidés. Donc cela les concerne, les englobe et concerne également tous ceux qui vont donc accomplir cela ou qui vont concrétiser le triomphe de cette religion. Man qama bi nusrati dinillah ala al-wajh al-akmal, c'est-à-dire de la manière la plus parfaite, de la manière la plus complète, en partant du tawhid jusqu'à tout ce qui est concerné par la religion, cette grande religion. Ensuite le shir, hafizahullah, il passe à une autre sourate qui est sourate al-mu'minun, qui est donc le verset, plutôt la sourate des croyants, sourate al-mu'minun. Fayaqul hafidhahullah qawluhu ta'ala walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Donc c'est surat al-mu'minun, c'est le verset 60. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, entre parenthèses, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur, plein de crainte. Ça c'est un grand verset, très grand verset. Qu'est-ce qu'il nous dit le cher à propos de ce verset qu'il est important de comprendre et d'appliquer dans la vie de tous les jours, dans notre adoration? Wallah al-musta'an. Yaqul al-shaykh, dhakara Allah fi hadhihi al-ayati min sifat al-mu'minin annahum yu'tun ma yu'tun wa hum khaifun wajilun an la yutaqabbala minhum. لما يعتري عملهم في ظنهم من التقصير. Il nous dit le Cheikh que parmi sifat al-mu'minin, donc ça fait partie des caractéristiques du croyant. Si tu veux faire partie des croyants, il faut que tu aies ce caractéristique, tu aies ce sifa, tu aies cette qualité. Annahum yu'toun ma yu'toun, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils donnent, et ce qu'ils donnent à la hasab, c'est-à-dire selon chaque personne, selon sa capacité, ce qu'elle donne. Wahum khaifun wajilun, c'est-à-dire qu'ils ont crainte, qu'ils ont peur, Allah yutaqabbala minhum, que leur action ne soit pas acceptée. Ils ont peur de ça. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Pourquoi? Parce que ils savent que leur acte fi dhannihim, c'est-à-dire par rapport à ce que eux ils pensent, par rapport à ce que ils croient, min at-taqsir, c'est-à-dire comme manquement. At-taqsir, at-taqsir, c'est-à-dire le manquement. Le manquement par rapport aux actes. C'est-à-dire des actes qui ne sont pas faits de manière ou de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Et qu'il y a donc un manquement. Donc par rapport à ce manquement, ils ont peur. Le croyant a peur que son acte ne soit pas accepté auprès d'Allah Azzawajal. Le Cheikh nous rapporte un hadith. Yaqul, wa rawahu at-Tirmidhi fi jami'ihi anna Aishata, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلوات الله وسلام عليه عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال يا بنت الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة, comme ce hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ses Sunan, a demandé au prophète sallam par rapport à l'explication de ce verset. Le verset qu'on a cité. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte. قَالَتْ عَيْشَةٌ. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, est-ce que ce sont ceux qui boivent de l'alcool et qui volent? Le prophète de lui répondre, non, ô fille du très véridique. وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ. Mais ceux qui jeûnent. ويصلون إلى بري ويتصدقون إلى دون صدقة إلى دون نمون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. Et ils ont peur que tout cela ne soit pas donc pas accepté, ne soit pas accepté bien sûr auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite il a cité le verset أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون, c'est-à-dire donc ils s'empressent de faire ce qui est bien. Il nous dit le Cheikh, « وَأَشَارَ إِلَى طَرِيقٍ أُخْرَى لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنْظُرَ السِّلْسِلَ أَصَّحِحَ. » Donc le Cheikh, il nous rapporte ici, où il nous fait part qu'il y a en fait encore un autre ou une autre version par rapport à Abi Huraira qui concerne donc ce hadith. Il nous demande de regarder la silsila Al-Sahiha de Cheikh Al-Allama Al-Albani rahmatullah alayh, et qui est le verset 162. Il nous rapporte la parole de Cheikh Al-Albani. ماذا يقول شيخ الألباني؟ والسر في خوف المؤمنين ألا يقبل عبادتهم أو ألا تقبل عبادتهم. Il nous dit, le Cheikh va nous expliquer que le secret السر في خوف المؤمنين ألا تقبل عبادتهم. Le secret donc dans la peur des croyants, dans la crainte des croyants que leur action ne soit pas acceptée, ou plus particulièrement ici leur adoration ne soit pas acceptée. ألا تقبل عبادتهم. يقول ليس وخشيتهم ألا يوفيهم الله أجورهم. C'est-à-dire ce n'est pas leur crainte qu'Allah عز وجل ne leur donne pas leur salaire. فهذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. Le Cheikh nous dit cela donc est contraire s'ils auraient peur de cela, c'est-à-dire ils auraient eu peur qu'Allah عز وجل ne leur donne pas leur salaire, serait été contraire à la promesse qu'Allah عز وجل leur a fait dans cette parole qu'il vient de citer et qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa amma alladhina amanu wa amilus salihat, ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, fayuwaffihim ujurahum, il leur donne leur salaire, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal donc leur donne leur salaire. Fayuwaffihim ujurahum, ça c'est une promesse d'Allah Azzawajal pour ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Bal innahum layazidunahum alayha, c'est-à-dire bien au contraire, Allah Azzawajal leur donne encore plus. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal dans cette parole, dans sa parole, il dit yuwaffihum ujurahum, donc afin qu'Allah les récompense pleinement. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, et le rajoute de par sa grâce subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici qu'Allah leur donne encore plus que leur salaire, que leur salaire qu'il leur avait promis. وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يُخْلِفُ وَعْدَهُ, c'est qu'Allah Azzawajal ne va pas à l'encontre de sa promesse et ne se désengage pas de sa promesse, Allah subhanahu wa ta'ala. كَمَا قَالَ فِي كِتَابِ, comme il l'a dit dans son livre, dans beaucoup de versets. Et donc il va nous dire quel est ici le secret de ces croyants dans le fait qu'ils ont peur et qu'ils ont crainte. أَنَّ الْقَبُولَ مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيَامِ بِالْعِبَادَةِ كَمَا أَمَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, c'est-à-dire ils savent, le secret c'est qu'ils savent que l'acceptation bien sûr de leur adoration est en relation directe avec l'accomplissement de leur adoration comme Allah Azzawajal leur a demandé, comme Allah Azzawajal leur a ordonné. وَهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ الْجَزْمَ بِأَنَّهُمْ قَامُوا بِهَا عَلَى مُرَادِ اللَّهِ, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas et personne ne peut dire et ne peut affirmer qu'il a fait ça, son adoration, comme Allah Azzawajal l'a voulu. Personne ne peut prétendre cela. C'est donc dans ce sens qu'ils ont la crainte. بَلْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَصَّرُوا فِي ذَلِكَ, bien au contraire, ils croient qu'ils ont donc manqué à, cette adoration, c'est-à-dire dans le sens où ils n'ont pas fait cette adoration comme il se devait, comme Allah Azzawajal a voulu d'eux. C'est pour cela donc Allah qu'ils ont peur, c'est pour cela qu'ils ont donc peur qu'elles ne soient pas acceptées. Donc le shir, en tant que nasiha, en tant que conseil, il dit alors que le croyant réfléchisse sur cela, il prenne du recul. Peut-être que s'il fait cela, c'est-à-dire il observe et il réfléchit sur cela, alors il va certainement augmenter sa perfection dans l'adoration et la faire comme Allah Azzawajal a voulu. Et comment cela va se faire, comment cela va se concrétiser, c'est-à-dire dans un premier temps par un ikhlas, c'est-à-dire une ikhlas qui doit être complète pour Allah Azzawajal. Et qui peut prétendre pour chaque adoration qu'il a fait cela avec une ikhlas qui est la plus forte? Tout le temps, le croyant doit progresser. Et jamais il ne peut dire al-jazm, comme il a dit le cher, jamais il ne peut prétendre qu'il a fait cela avec une ikhlas qui va être acceptable auprès d'Allah Azzawajal. Et également, wa ittiba'u nabihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadihi fiha, c'est-à-dire également suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, durant sa conduite, les a accomplis, ses adorations, celles-là. Donc, également, qui peut prétendre faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ? وَذَلِكَ مَعْنَا قَوْلِهِ تَعَالَى, et donc il nous dit que cela est la signification du verset qu'il va donc nous citer, qui est surat Al-Kahf, le verset 110, et qui contient bien sûr, comme on a cité plusieurs fois et insister sur cela parce que c'est un point qui est plus que fondamental et qui regroupe donc les deux conditions d'acceptation de l'adoration. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse de bonnes actions, c'est-à-dire فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَعَمَلًا صَالِحًا يعني مُوَافِقًا لِسُنَّةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, c'est-à-dire un acte qui est en conformité avec la sunna du prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc ça c'est المُوَافَقَة, c'est l'ittiba', et ensuite وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا, et il n'associe dans son adoration à aucun, il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Et ça, bien sûr, c'est l'ikhlas, c'est la deuxième condition. Rawahu ibn Jarir, il va nous rapporter, donc, d'après le tafsir de Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, le shir, il nous rapporte, shir Abdul Muhsin, il nous rapporte une parole de Al-Hassan, une belle parole, et qu'il est important d'y réfléchir. An al-Hasan, annahu kana yaqul inna al-mu'min jama'a ihsanan wa shafaqatan. C'est-à-dire que le croyant, le véritable croyant, ladina amanu sidqan, ceux qui l'ont cru avec sincérité, le croyant a regroupé perfection ou bienfaisance wa shafaqa, et également crainte. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, comme on l'a vu, il craint toujours le croyant que son adoration ne soit pas acceptée. Et c'est pour ça qu'il va continuer, il va persévérer dans l'accomplissement de ses adorations de la meilleure des façons, c'est-à-dire toujours en progressant dans la perfection. C'est pour ça qu'il nous dit, Al-Hassan, Inna al-mu'min jama'a ihsanan wa shafaqatan. Le croyant a regroupé bienfaisance ou perfection, ici bien sûr par rapport à l'adoration, wa shafaqatan, et également crainte. Et donc on l'a vu, donc c'est le sens du verset wa qulubuhum wajila. Wa inna al-munafiq, par contre l'hypocrite, wa inna al-munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Contrairement al-munafiq, donc l'hypocrite, isa'atan ici qui vient des sur muqabil ihsanan, c'est-à-dire qui est contraire à l'ihsan, qui est contraire à la perfection, contraire à la perfection, isa'atan. Donc il a regroupé isa'atan, tout ce qui est mauvais de façon générale, wa amnan, c'est-à-dire sécurité. Et pourquoi cela? Parce que le munafiq, il s'en fout. Il fait sa prière, il l'a fait, qu'il l'a fait à la va-vite, qu'il l'a fait sans ikhlas. Donc l'hypocrite, lui, il fait son adoration de la pire des façons. Loin de l'ikhlas et loin de l'ittiba, le muwafaqa, c'est-à-dire loin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amnan, et il est en sécurité, c'est-à-dire que lui se sent en toute sécurité. C'est-à-dire, j'ai fait ma prière, c'est bon, ça sera certainement accepté, aucun problème. Donc c'est pour ça qu'il dit Al-Hassan Al-Munafiq Jama'a Isa'atan wa Amna. Donc on voit que nous, si on se rapproche par cette pensée, alors on va se rapprocher du Munafiq. Et si on se rapproche de l'autre côté, c'est-à-dire de la pensée du croyant, alors on va se rapprocher, bien sûr, du croyant, comme cela est clair. ثم تلا الحسن. Ensuite, le Hassan, il a cité ce verset. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. C'est-à-dire donc il a cité le verset qu'on est en train d'étudier. وقال المنافق. وقال المنافق. Et ensuite il a dit, et المنافق, l'hypocrite, il a dit, إنما أوتيته على علم عندي. C'est-à-dire cela m'est venu par une science qui est propre à moi, qui est de moi, ma propre science, tout cela je l'ai eu grâce à ma science. Wallah al-musta'an. Kufran al-ni'am. C'est-à-dire que ça, c'est bien sûr l'ingratitude envers Allah Azzawajal et les biens d'Allah Azzawajal qui lui a donné. Innama utitu ala ilmin indi. Ça c'est la parole du munafiq, comme nous dit al-Hassan. Wa qala al-munafiq. Innama utitu ala ilmin indi. Wallah al-musta'an. Donc à toi de te situer, ya Abdullah. À nous de nous situer par rapport à ces deux positions, par rapport à ces deux pensées, et par rapport donc à ce maslak, c'est-à-dire quelle est la voie que l'on a prise dans notre adoration. Est-ce qu'on a peur, réellement peur dans notre cœur, que notre adoration ne soit pas acceptée auprès d'Allah Azzawajal, et que cela, bien sûr ça c'est une condition, que cela nous motive à perfectionner notre adoration, ou alors que le contraire, on fait une adoration qui est des plus mauvaises et on est en toute sécurité, on se sent en toute sécurité. Wallah al-musta'an. Et également pour apporter une précision à ce qui a été dit, et c'est aussi important pour ne pas tout mélanger, c'est-à-dire que le croyant, lorsqu'il fait une action, il doit avoir la certitude, et c'est ce que nous a indiqué Cheikh Al-Albani à travers cette parole, c'est-à-dire qu'il doit avoir la certitude qu'Allah Azzawajal donne la récompense. C'est-à-dire lorsque je fais maintenant ma prière, lorsque je fais mon jeûne, lorsque je jeûne, lorsque je donne une aumône, je suis sûr qu'Allah Azzawajal, il donne la récompense par rapport à cela. C'est après avoir fait mon acte, est-ce que, bien sûr, cet acte va être accepté? Est-ce que je l'ai fait avec ikhlas? Est-ce que je l'ai fait vraiment en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc je me remets en question pour que cela m'aide à progresser. Par contre, pour ce qui est de la certitude, il faut avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal, il donne, et c'est une promesse d'Allah. Donc on a la certitude en la promesse d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que dans le verset, dans un des versets du Coran, et qui fait surat al-Baqarah, et qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait traité du sujet de l'intention, lorsqu'on étudiait le livre de Cheikh Al-Sa'di, rahimallah. Le surat al-Baqarah, qui est le verset 260, 5. يقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. Donc le verset sur le suivant: et ceux qui dépensent leurs biens cherchent l'agrément d'Allah. C'est-à-dire, il cherche l'agrément d'Allah Azzawajal. Et bien rassuré de sa récompense. Donc, il le traduit ici: bien rassuré de sa récompense, il ressemble à un jardin sur une colline. Le verset. Donc, ici, on voit que ma'na tathbitan, on avait déjà vu l'explication des salafs sur le terme wa tathbitan min anfusi. Et on avait vu la parole de l'imam al-Sha'bi, et également Qatada, et que c'était le choix de Ibn Jarir. Parce qu'on avait vu qu'il y avait deux significations pour ce verset. C'est-à-dire que on avait deux explications en revenant sur le tafsir des salafs. Donc celui de Sha'bi, de Qatada, qui était donc le choix de Ibn Jarir al-Tabari. C'est-à-dire, comme a dit Sha'bi, rahmatullah alayh, ay tasdiqan wa yaqinan. Yani tathbitan min anfusihim, bima'na tasdiqan wa yaqinan. C'est-à-dire avec certitude. Et en croyant, une croyance complète et certaine qu'Allah Azzawajal va nous donner une récompense par rapport à ce qu'on fait. Donc ça, c'est une condition et c'est important. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit ibtira mardatillah, c'est-à-dire en cherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, wa tathbitan min anfusihim. Et ça rentre, cette parole, également dans le hadith du prophète sallam que tout le monde connaît. Lorsque le prophète sallam nous a dit à propos du mois du Ramadan, man sama ramadan imanan wa ihtisaban. Donc le terme ici ihtisaban, celui qui donc jeûne le mois du Ramadan avec foi. Et donc ici le terme ihtisaban c'est bimarna fil ayat wa tathbitan min anfusihim, c'est-à-dire et yaqinan wa tasdiqan ana ihtasib, c'est-à-dire je crois et je suis sûr qu'Allah Azza wa Jalla donne la récompense par rapport à cet acte-là. Donc je le fais et j'essaie de le faire de la meilleure manière pour pouvoir avoir cette récompense. On avait vu donc pour ce qui est de à titre de rappel pour le terme wa tathbitan min anfusihim, on avait vu donc l'autre avis et qui était l'avis de Mujahid parmi les salafs. C'est-à-dire qu'ils s'assurent où ils placent leur aumône. Ça aussi, c'est une explication qui est donnée par rapport à ce terme. C'est-à-dire que lorsque tu donnes une aumône, tu t'assures bien que tu donnes l'aumône à la personne qui en a besoin. Et à la personne qui même en a le plus besoin parmi ceux à qui tu aurais pu donner l'aumône. Donc ça, c'est également une version, ou plutôt une explication qui est donnée pour le terme. Donc si on revient donc à l'explication de l'imam Sha'bi et le choix de Ibn Jarir, on voit exactement que ça rentre donc dans cette optique, c'est-à-dire que le croyant, il doit avoir certitude lorsqu'il fait son adoration que derrière cela il y a une récompense de la part d'Allah Azza wa Jalla, que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous a dit le shaykh, wa'adu min Allah. Et donc le croyant, il n'a pas à avoir de doute sur cela. Ensuite, on va prendre un dernier verset, on va étudier un dernier verset qui fait Surat al-Nur. Donc le shir, il passe Surat al-Nur, qui est donc la lumière. Il va choisir le shir, le verset numéro 21. Le verset 21. Yaqul le shir, قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم. Donc c'est le verset 21, Surat Nur. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, Allah est audient et omniscient. C'est également un verset qui est important, à comprendre pour le croyant. Dans un premier temps, le shir dit: Naha Allah wa ibadahu al-mu'minin fi hadhihi al-ayati an ittiba' khutuwat ash-shaytan. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, pureté à lui, il nous interdit ici, Naha Allah, il nous interdit de suivre les pas du diable. Qu'est-ce que les pas du diable? Yaqul al-shir, wa yatara'iqu wa manahiju wa masalik, c'est-à-dire ses voix. Le shaitan, il a beaucoup de voix. Et ces voix-là, donc ce sont ses pas. Et ces méthodes-là qu'il emploie le shaitan, ce sont ses pas. وأخبر أن من كان كذلك فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Donc celui qui fait cela, alors qu'il sache que le shaitan nous ordonne al-fahsha, le mal de façon générale, al-fahsha, que ce soit zina, et tout ce qui rentre dans al-fahsha, tout ce qui rentre dans le mal, comme on l'a vu, et al-munkar, al-munkar également, qui est un terme général, qui veut dire le mal, tout ce qui est en contraire à la religion, tout ce qui va à l'encontre de l'agrément d'Allah azawajal et qui engendre la colère d'Allah. Comme a dit Allah azawajal, al-munafiqun wa al-munafiqat ba'dhum min ba'd. C'est-à-dire que al-munafiqun ou al-munafiqat, les hypocrites et les hypocrites, c'est-à-dire les femmes et les hommes, appartiennent les uns aux autres. Al-munafiqun ou al-munafiqat ba'dhum min ba'd. Ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Donc leur balance est inversée. Ya'muruna bil-munkar. Ils ordonnent, ils commandent le blâmable. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ils interdisent le convenable. Ça c'est al-munafiq. Ça c'est le munafiq. Tu vois, lorsqu'on vient avec la religion, il fait le contraire. Il oblige à qu'on suit ce qui est en dehors de la religion, ce qui est mal, et il interdit qu'on suit la religion, c'est-à-dire le ma'ruf, tout ce qui rentre dans le bien de la religion. Et ça, ce verset, c'est fait sur la Tawbah, c'est le verset 67. Thumma yaqulu shaykhuna qala ibn kathir fi tafsiri an qatada annahu qala kullu ma'siyatin faya min khutuwati shaytan. C'est-à-dire que l'imam Qatada, rahmatullah alayh, qui fait partie bien sûr des grands mufassirin parmi les tabi'in, il dit que tout ma'siya, que tout péché est un pas du diable, considéré comme un pas du diable. Wa khutuwati shaytan, donc ensuite le shaykh, c'est le shaykh qui parle, wa khutuwati shaytan yasubul al-mukhalafati lis-sirat al-mustaqim. Ce sont toutes les voies qui sont en contradiction avec la voie droite. Wa qad naha Allah 'an ittiba'iha biqawlihi, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla donc nous a interdit de suivre cela, ces voies. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ce verset Al-An'am, qui se trouve dans le sourate Al-An'am, le verset 153. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Ceci est ma voie, la voie droite. Et voilà le chemin donc droit, dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. السبل هنا سبل الشيطان. Comme on avait vu l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait tracé le trait concernant bien sûr et indiquant que c'était la voie droite, et ensuite qu'il avait tracé plusieurs traits qui partaient donc de la même origine mais qui allaient dans d'autres directions et qui étaient bien sûr sous-boule shaitan, c'est-à-dire les voies du diable, et qui est donc khutuwat shaitan, qui est donc les pas du diable cités dans ce verset. فتفرق بكم عن سبيلي, qui vous écarte donc de sa voie. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voilà ce qui vous enjoint, ainsi attendrez-vous la piété. ثم أخبر تعالى أن ما يحصل من هداية واستقامة فهي بفضل الله على من يشاء من عباده. Ça c'est important. Ça c'est très important. Il faut que le croyant il le sente au plus profond de lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive comme bonne guidance, comme guidance droite, comme istiqama, comme droiture, tout cela bifadlillah, tout cela vient de la grâce d'Allah Azzawajal. Si Allah Azzawajal avait voulu, tu serais dans le dalal, tu serais dans l'égarement, tu serais en train de faire les pires des ma'asi, tu serais en train de faire les pires des péchés. C'est grâce à Allah Azzawajal, personne d'autre. C'est grâce à Allah Azzawajal qu'il t'a mis sur la bonne voie et qu'il t'a choisi parmi ses créatures pour cela. Bifadlillah à la main yashao min ibadi, pour ceux qu'il a voulu parmi ses esclaves. Donc ici min ibadi mutlaq in'am min ibadi, tous ses esclaves qu'il t'a choisi, c'est-à-dire ceux qu'il a créés. Et là on voit encore apparaître ce qu'on a déjà étudié et qui est important de savoir et de faire la différence. Ici donc c'est al hidayatu tawfiq. Le shir nous parle lorsqu'il nous dit min hidayatin, il est en train de nous parler min hidayatu tawfiq, comme on l'avait déjà vu, c'est-à-dire cette guidance qui est propre à Allah Azzawajal, cette guidance qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se traduit donc par l'accord qu'Allah Azzawajal donne à sa créature pour qu'il suive le droit chemin et pour qu'il le purifie. Wa annahu laula fadlullah Azzawajal wa rahmatu lam yahtadi man yahtada. Et s'il n'y avait pas eu la faveur d'Allah Azzawajal et sa miséricorde, alors personne ne serait guidé sur le droit chemin. Personne. Ceux qui se sont guidés, s'il n'avait pas eu cette miséricorde et ce bienfait d'Allah Azzawajal sur nous, alors ceux qui sont guides à ce moment, ils ne seraient pas guidés s'ils n'avaient pas eu cela. Donc ça, c'est une condition. Comme a dit Allah Azzawajal, من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتد, c'est-à-dire celui qu'Allah Azzawajal guide, alors c'est lui le bien guidé. Parce qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui l'a guidé. Et que personne n'aurait pu le guider. Lui-même, il n'aurait pas pu se guider sur le droit chemin. Si Allah Azzawajal ne l'avait pas guidé. Et si Allah Azzawajal ne l'avait pas choisi. Et si Allah Azzawajal ne l'avait pas comblé de ce bienfait qui est la guidance. Subhanallah. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Continuellement. Afin que nasdad shukran lillah Azzawajal. Afin qu'on augmente notre shukr, notre reconnaissance envers Allah, notre Créateur. Fawal muhtad. Il sera bien guidé, il sera le guidé, celui qu'Allah Azzawajal a guidé. Et celui qui l'égare, Allah Azzawajal, falan tajida la waliyam murshida. Tu ne peux trouver aucun allié, tu ne peux trouver personne qui va le mettre sur le droit chemin, cette personne-là. Impossible. Si Allah Azzawajal l'a égaré, c'est fini. Wallah al-musta'an. Et ça, c'est notre croyance. Qala shaykhuna. Donc, il rapporte encore une des paroles de son cheikh, Cheikh Mohamed al-Amin. C'est-à-dire, Cheikh Abdel Morsi, il rapporte une parole de son cheikh, Cheikh Mohamed al-Amin. Rahmatullah alayhi, fi adwa' al-bayan, toujours dans son tafsir, dans son grand tafsir. Bayan jalla wa ala fi hadhihi al-ayati annahu law la fadluhu wa rahmatuhu ma zaka ahadan min khalqi, walakinahu bi fadli wa rahmati yuzakki man yasha min khalqi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla n'aurait pas purifié également. Donc ici le terme, il va revenir au terme zaka. Zaka qui en fait qui a pour sens donc purifier. Donc Allah Azza wa Jalla n'aurait jamais purifié si Allah Azza wa Jalla de par sa miséricorde et de par son bienfait, il n'aurait pas purifié quelqu'un, personne n'aurait pu être alors purifié. Dans le même sens, il parle ici de la purification. Et on va voir que la purification, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Iya, yani az-zakatu fi hadhihi al-aya, donc dans le verset que l'on va citer ensuite, on va voir que c'est at-taharatu min ajnasi shirk wal-ma'asi, c'est-à-dire la purification, donc le terme zakatu, et qui est ici le verbe zaka, et qui vient donc, qui a le même sens que le verbe tahara. La purification des impuretés, et ici les impuretés du polythéisme, et de quoi ? Et des péchés. Donc, ce qui ne peut être palpable, mais qui est bien présent, est considéré comme najasa ou anjas, c'est-à-dire les impuretés. Wa yufham min al-aya, c'est-à-dire on va comprendre de ce verset anna la yumkin ahadun an yuzakkiya nafsahu bi hali min al-ahwal. وهذا المعنى الذي تضمنت هو هذه الآية الكريمة جاء مبينا في غير هذا الموضع فقوله تعالى. Donc le cheikh également il nous dit que dans ce verset on va comprendre qu'il n'est pas possible qu'une personne dise du bien d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle purifie elle-même. C'est-à-dire le sens ici yuzakki, c'est-à-dire qu'elle dise du bien d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle dise que je suis quelqu'un de pur. بحال من الأحوال. Dans tous les cas, que ce soit là une personne qui soit savante, que ce soit une personne qui soit un grand adorateur, jamais personne ne peut y en y faire l'éloge de soi-même ou dire que prétendre d'être quelqu'un qui est droit, prétendre d'être quelqu'un qui est pur, etc. Donc c'est marna ici anuzakkiyanafsahu. Et comme on voit donc dans le verset, c'est-à-dire wala ula fadlullahi alaykum rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada, jamais. Walakinna Allah yuzakki man yasha. C'est-à-dire c'est Allah Azza wa Jal qui purifie celui qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il va nous citer le verset suivant, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha. C'est-à-dire, ne vois-tu pas ceux qui font donc l'éloge d'eux-mêmes, ou ceux donc qui se vantent, et ceux qui disent que leur propre être est en fait bon, ou on va dire pur, mais c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal, c'est dans le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire seul Allah Azza wa Jal fait cela avec qui il veut. Man yasha. Bilillah yuzakki man yasha. Wa qawluhu ta'ala wa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Donc également dans le même sens ce verset, c'est lui qui vous connaît le mieux. Il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Allah Azza wa Jal vous a créé de la terre. Il connaît, Allah Azza wa Jal, votre état lorsque vous êtes encore dans les ventres de vos mères. Alors comment vous pouvez vous permettre de faire l'éloge de vous-même, de vous vanter? Ne vantez pas vous-même votre pureté. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqa. Il est lui, Allah Azza wa Jal. C'est mieux celui qui le craignent. C'est pour ça donc, également, lorsqu'on dit du bien d'une personne, toujours dire cela. Wallahu hasibu, wala uzakki ala la ahad. C'est-à-dire tout le temps, an nu'alliq. C'est-à-dire tout le temps qu'on dise cette parole. C'est-à-dire que je ne vante personne. Wala uzakki ala la ahad. C'est-à-dire que je prétends pas, avant Allah Azza wa Jal, dire le bien d'une personne. Ou prétendre sa pureté, etc. Et également, fi wa qawlu walakin Allah yuzakki man yasha, il nous dit le shir, wa ay yutahiru min adnas al kufr wal ma'asi bi tawfiqi wa hidayati ila al iman wa tawbati an nasuha wal a'mal as salihah wa hadha alladhi dallat alayhi hadhihi al ayatu al mazkura la yu'aridu qawluhu ta'ala qad aflaha man zakkaha wa la qawluhu qad aflaha man tazakka ala al qawli bi anna ma'na tazakka tatahhara min adnas al kufr wal ma'asi la ala anna al murad biha khusus zakat al fitr. وجه ذلك في قوله من زكاه أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهداية إياه للعمل الصالح وقبوله منه وكذلك الأمر في قوله قد أفلح من تزكى كما لا يخفى. Donc le shir, en nous expliquant ce verset ou cette partie du verset, ولكن الله يزكي من يشاء, ça veut dire qu'Allah عز وجل, c'est lui qui purifie qu'il veut. De quoi? Du kufr, de la mécréance. والمعاصي, des péchés. Donc de par son accord, l'accord qu'il donne à cette personne pour qu'elle puisse faire cela, bitawfiqi wa hidayati lil iman, et également de par sa guidance, la guidance d'Allah Azza wa Jal. Donc hidayatut tawfiq, on voit bien ici les termes qui se rejoignent, ilal iman, c'est-à-dire sur le chemin de la foi, wa tawbatin nasuha, et également le repentir sincère. La personne lorsqu'elle fait un repentir et qui est sincère et qui veut accepter auprès d'Allah Azza wa Jal, ala bi fadlillah wa bi tawfiqillah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a permis cela. Tout revient à Allah Azza wa Jal. Wal a'mal salihah, et également les bonnes actions. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a permis de faire une bonne action. Et donc c'est l'explication et le sens, la signification du verset que l'on étudie. Donc tout revient à Allah Azza wa Jal. C'est donc par conséquence à lui que revient toute la reconnaissance, subhanahu wa ta'ala, du début à la fin. Il n'y a pas lieu où la personne se vante d'elle-même, ou qu'elle soit atteinte de ce qu'on appelle donc al-ujb, c'est-à-dire être satisfait de sa propre personne par rapport à ses actes dans l'islam. Avi musiba, la personne qui est satisfait de ses actes et qu'elle croit qu'elle est vraiment, comme on dit, au top, ça c'est totalement contraire à la mentalité du croyant, comme on le voit dans ce verset-là, comme on le comprend dans ce verset-là, et comme on le comprend dans le verset précédent, fi surat al-mu'minun. Donc ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler et qu'il faut avoir à l'esprit de manière permanente. Wa billahi tawfiq. Wa subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.